Vous cherchez un endroit rêvé pour vos vacances? Le site touristique Chute à l'ours de Normandin est l'endroit idéal. Situé en pleine nature, le site touristique Chute à l'ours offre des chalets et des chambres de motel. Pour réservation et information, chutealours.com ou 418-274-3411. Le site touristique Chute à l'ours est fier d'être un partenaire de premier plan de la classique de volleyball Family Prix, Jeannie Larouche, et vous invite à participer en grand nombre aux activités. On va parler du côté de Giranville. Le journal Le Quotidien nous apprenait ce matin sous la plume de Joanne Saint-Pierre qu'il y aura une nouvelle épreuve de sport à Giranville. Ça s'appelle le Raid de Multisport. Et pour en parler davantage, on rejoint celle qui est en charge du projet, Mme Camille Legrand. Bon après-midi, Mme Legrand. Bonjour. Mme Legrand, si on parlait d'abord de ce Raid Multisport, comment ça a commencé l'idée? Ben c'est ça, c'est un Girardvillois qui s'appelle Patrice Perrault qui souhaitait promouvoir les attraits touristiques de la municipalité de Girardville à travers un défi sportif. Okay. Il en a parlé à la municipalité et la municipalité a mandaté le comité gestion loisirs et sports de Girardville en collaboration avec le groupe Destination Boréal, qui est mon employeur, d'organiser la première édition de l'événement. Et donc cet événement va s'appeler le Raid Multisport de Girardville. Ok, ok. Puis ça, c'est une épreuve de 3 compétitions, c'est ça? Non, c'est plus un enchaînement de 3 épreuves différentes. Ok. Ça va, les équipes participantes. Okay. Ils ont commencé par 5 km de canot sur la rivière Wasiamska. Après, ils auront un petit portage qui les mènera sur la piste cyclable au fil des rivières de Girardville. Et là, les équipes enchaîneront avec une boucle de 15 km de vélo, puis finiront par 4 km de course à pied. Ok, ok. C'est vraiment une épreuve qui combine les 3 sports. Ok. Est-ce que vous avez des objectifs là-dessus? Oui, on espère recevoir une 20aine d'équipes. Okay. C'est vraiment notre but, c'est vraiment promouvoir Girardville, faire notre événement dans le respect du développement durable, et promouvoir aussi des saines habitudes de vie. Okay. Mais le but principal, c'est vraiment de faire connaître Girardville comme une destination touristique de qualité pour les amateurs de plein air, d'aventure et de tourisme de nature. Parce que la municipalité de Girardville a tout pour leur plaire. Et notre aide donne comme un avant-goût des aventures que les touristes peuvent vivre à Girardville. OK. 20 équipes, c'est beaucoup. Oui. OK. Comment vous allez faire pour y arriver? Comment vous allez faire pour... Normalement, c'est ça. On a mis 20 équipes, c'est le maximum. OK. Mais c'est ça. On a réfléchi de façon à ce que ce soit sécuritaire et, agréable pour tout le monde, mais la limite de 20 équipes s'est imposée à nous. Ok, ok. Et la publicité? Mais c'est des équipes de 2 personnes, donc ça fait un maximum de 40 personnes. Ok. Est-ce que le genre de compétition comme ça, ça existe un peu partout ou ça va être vraiment la première? Je sais que il y a plus des triathlons dans la région ou au Québec. Okay. Après, sinon, c'est beaucoup soit des épreuves de vélo de montagne, soit des épreuves de natation, comme la traversée du lac Saint-Jean à la nage ou des choses comme ça. Puis nous, c'est ça, on avait les infrastructures de la municipalité qui nous permettaient, dans un périmètre assez proche, de faire 3 épreuves différentes. Okay. Donc oui, c'est assez unique dans la région. Ouais, ok. Donc, si on parlait maintenant du côté de la compétition, il va y avoir beaucoup, beaucoup de compétitions, évidemment. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui collabore, parce que vous avez été mandaté, vous êtes une employée de la municipalité, donc beaucoup de monde collabore avec l'idée. Là. En fait, non, moi, je suis une employée du groupe Destination Boréal, qui fait plus la promotion du tourisme à Girardville, mais oui, on travaille vraiment en collaboration dans le comité organisateur. On a 4 citoyens, dont Patrice Perrault, qui est à l'origine de l'idée. On a Sophie Guy, qui travaille pour la municipalité, et moi, à Destination Boréal. Mais c'est vrai qu'on a la collaboration avec les entreprises de Girardville, par exemple les canots. Pour le participer, les participants doivent venir avec leur vélo et leur casque de protection, mais les canots sont prêtés par l'entreprise Aventured, qui est une entreprise de plein air et d'aventure 4 saisons à Girardville. Donc c'est ça, on essaye de... Donc j'imagine que vous avez un réseau déjà en partant, donc vous allez vous servir de votre réseau pour atteindre les 20 équipes, c'est ça? Parce que ce matin, dans le journal, on voyait que vous avez donné une adresse de site web et ainsi de suite. Vous avez déjà des inscriptions, j'imagine. Déjà, là. Oui, on a commencé, oui, depuis le début du mois, la fin du mois de juillet. Okay. On a lancé les inscriptions. Okay. Et ça, on utilise vraiment, on essaye vraiment, comme on veut promouvoir aussi le développement durable. Donc, c'est vraiment le commerce local. Donc ça, au lieu de prendre une plateforme en ligne d'un grand site international, on a utilisé la plateforme ICA, qui est une entreprise qui est dans la région, qui nous permet de vendre nos inscriptions. Et on a notre site, notre page Facebook, Red Multi-Sport-Girardville. Ok, ok. Donc c'est pas mal intéressant. Vous du coup, vous avez un accent français. J'imagine que vous êtes une Française. J'imagine. Donc est-ce qu'il y a des gens qui vont venir de la France? Est-ce que vous avez des bons contacts pareil? Pour la première édition, pour le moment, à date, non, il n'y a pas d'inscription, mais c'est ça, notre première édition, c'est limité à 20 équipes et on a fait de la publicité plus au niveau du lac Saint-Jean, au niveau de la région. Mais c'est ça, si c'est une réussite, on va essayer de pousser notre événement pour qu'il soit connu au niveau du Québec, voire de l'international, et on a des idées pour le développer sous d'autres formules, qui soient peut-être plus grands, plus longs, ou qui accueillent plus... En fait, c'est un ballon d'essai que vous faites aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait. La première année, c'est ça. C'est vraiment l'année test. Et puis après, on a plein d'idées pour se développer. OK, OK. Ça marche. Ben, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, vous allez sur le site, sur un site... Toutes les informations sont sur notre page Facebook et ça vous redirigera vers le site Monissa pour acheter les... Il en coûte combien puis la date limite d'inscription, c'est quand? C'est $75 par équipe de deux. Okay. Et ça inclut l'inscription pour le raid, le canot et le souper. Okay. Et la date limite, c'est le vendredi 7 septembre. Okay. Le défi est chronométré. Vraiment, le but, c'est de relever le défi, d'avoir du fun et d'arriver à la ligne d'arrivée avec son coéquipier et sa coéquipière. Donc, le défi, ça adresse aux grands sportifs comme aux amateurs d'activités de plein air. Il n'y a pas besoin d'être... Il y avait déjà eu une compétition comme ça à Dolbeau, mais ça se livre il y a quelques années. Ça fait pas un bon bout, ça s'appelle Défi sportif. Il y avait des compétitions, je me rappelle, il y avait toutes sortes de compétitions. Je pense que c'était 5-6 compétitions, c'était quand même quelque chose de très très bien organisé. C'est un peu ça en fait là que vous voulez faire. Parce que j'imagine qu'après 3, ça peut être plus d'événements, là. Ça pourrait monter à 4-5 compétitions sportives en même temps. C'est ça, puis le territoire de Girardville nous permettrait d'aller explorer d'autres endroits à Girardville, d'autres sports, d'autres types de terrains. Donc on a plein d'idées. Puis même là, on le fait au fin de l'été, mais ça pourrait être aussi, on pourrait développer une version hivernale avec de la raquette, du ski. Bravo! Il y a plein d'idées. Bravo et félicitations pour le plaisir de se parler. On va se reparler quand l'événement aura lieu. Oui, merci. Voilà donc Madame Camille Legrand, qui est la responsable du premier défi sportif à Girardville.